Cependant, Quint, décidé à protéger son roi, retourne déguisé dans le château d'Albany et de la fille aînée Gunnryll, sous un nom d'emprunt, et se fait engager comme serviteur par Lyr, présent au château depuis 15 jours. Mais, poussé par son bouffon notamment, et en sa présence, Lyr fait mine de ne pas reconnaître Gunnryll. « Votre nom, belle dame. » « Alors, monsieur, cet ébahissement est à l'avenant de vos autres récentes fredaines. Je vous adjure de bien comprendre ma pensée. Vieux et vénérable comme vous l'êtes, vous devriez être sage. Ici même, vous entretenez, sans chevalier écuyer, tout si désordonné, si débauché, si impudent, que notre cour, souillée par leur conduite, a l'air d'une auberge en pleine orgie. L'épicurisme et la luxure en font une taverne ou un lupanar, plutôt qu'un palais princier. La pudeur même réclame un remède immédiat. Accédez donc au désir de celle qui, autrement, pourrait bien exiger la chose qu'elle demande. Réduisez un peu votre suite, et que ceux qui resteront dans votre dépendance soient des gens qui conviennent à votre âge et sachent ce qu'ils sont et ce que vous êtes. Ténèbres et enfer, qu'on scelle mes chevaux, qu'on rassemble ma suite. Dégénéré bâtarde, je ne te troublerai plus. Il me reste une fille. Vous frappez vos gens, et tous les insolents de votre bande font des serviteurs de leurs supérieurs. Entre Albany. Malheur à qui se repent trop tard. Albany. Ah, voilà, monsieur. Est-ce là votre volonté? Parlez, monsieur. Qu'on prépare mes chevaux. Ingratitude, démon au cœur de marbre, plus horrible quand tu te révèles dans un enfant que le monstre des mers. De grâce, sire, patience. À Gunnryll. Orphée détesté, tu mens. Mes gens sont des hommes d'élite, du mérite le plus rare, qui connaissent toutes les exigences du devoir et qui supportent, avec la plus scrupuleuse dignité, l'honneur de leur nom. Oh, faute si légère, comment m'as-tu paru si hideuse dans Cordelia? Tu as pu, ainsi qu'un chevalet, disloquer toutes les fibres de mon être et arracher tout l'amour de mon cœur pour en faire du fiel. Se frappant le front. Oh, lire, lire, lire. Frappe cette porte qui laisse entrer ta démence et échapper ta chère raison. À sa suite. Allez, allez, mes gens! Sire, je suis aussi innocent qu'ignorant de ce qui vous a ému. C'est possible, my lord, montrant Gunnryll. Écoute, nature, écoute. Chère déesse, écoute. Suspends ton dessein. Si tu t'es proposé de rendre cette créature féconde, porte la stérilité dans sa matrice, dessèche en elle les organes de la génération, et que jamais, de son corps dégradé, il ne naisse un enfant qui l'honore. S'il faut qu'elle conçoive, forme de fiel son nourrisson, en sorte qu'il vive pour la tourmenter de sa perversité dénaturée. Puisse-t-il imprimer les rides sur son jeune front, creuser à force de larmes des ravins sur ses joues, et payer toutes les peines, tous les bienfaits de sa mère, en dérision et en mépris, afin qu'elle reconnaisse combien la morsure d'un reptile est moins déchirante que l'ingratitude d'un enfant. Partons, partons! Il sort. Dieu que nous adorons, d'où vient tout ceci, Gunnryll? Ne vous tourmentez pas d'en savoir le motif, et laissez son humeur prendre l'essor que lui donne le radotage.